Chapitre 39e, le retour. La nuit était venue, amenant son cortège de craintes et de visions sinistres, quand tout à coup, à l'extrémité du palais retentirent des cris. La reine tressaillit et se leva. Une fenêtre était sous sa main, elle l'ouvrit. Presque au même instant, les serviteurs transportés de joie entrèrent chez sa majesté en s'écriant « Un courrier, madame, un courrier !» Puis 3 minutes après, un hussard se précipitait dans les antichambres. C'était un lieutenant dépêché par M. de Charny. Il arrivait à toute bride de Sèvres. « Et le roi ?» dit la reine. « Sa majesté sera ici dans un quart d'heure, » répliqua l'officier, qui pouvait à peine parler. « Sain et sauf ?» dit la reine. « Sain et sauf et souriant, madame. »« Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?»« Non, madame, mais M. de Charny me l'a dit en m'expédiant. » La reine tressaillit de nouveau à ce nom que le hasard venait accoler au nom du roi. « Merci, monsieur. Reposez-vous, » dit-elle au jeune gentilhomme. Le jeune homme salua et sortit. Elle, prenant ses deux enfants par la main, se dirigea vers le grand perron, sur lequel déjà se groupaient tous les serviteurs et les courtisans. L'œil perçant de la reine aperçut au premier degré une jeune femme blanche accoudée sur la balustrade de pierre et plongeant un regard avide dans les ombres de la nuit. C'était André, que la présence de la reine ne réussit pas à distraire de sa préoccupation. Évidemment, elle, si empressée à venir se ranger aux côtés de la reine, elle n'avait point vu sa maîtresse ou dédaignait de la voir. Elle avait donc rancune de la vivacité de Marie-Antoinette, vivacité cruelle dont elle avait eu à souffrir dans la journée. Ou bien, emportée par un sentiment d'intérêt puissant, elle guettait pour son propre compte le retour de Charny auquel elle avait témoigné tant d'appréhension affectueuse. Double coup de poignard qui rouvrit chez la reine une plaie encore saignante. Elle ne prêta plus qu'une oreille distraite aux compliments et à la joie de ses autres amis et des courtisans. Elle se sentit même un instant distraite de cette violente douleur qui l'avait accablée pendant toute la soirée. Une trêve se faisait en elle à l'inquiétude qu'excitait dans son cœur le voyage du roi menacé par tant d'ennemis. Mais avec une âme forte, la reine chassa bientôt tout ce qui n'était pas la légitime affection de son cœur. Elle mit aux pieds de Dieu sa jalousie. Elle immola ses colères et ses joies secrètes à la sainteté du serment conjugal. Ce fut Dieu, sans doute, qui lui envoyait comme repos et comme soutien cette salutaire faculté d'aimer le roi son époux par-dessus toute chose. En ce moment, du moins, elle le sentit ou crut le ressentir. L'orgueil de la royauté élevait la reine au-dessus de toutes les passions terrestres. L'amour du roi était son égoïsme. Elle avait donc absolument refoulé au dehors et les petites vengeances de femme et les coquetteries frivoles de l'amante quand les flambeaux de l'escorte apparurent au fond de l'avenue. Ses feux grossissaient à chaque seconde par la rapidité de la course. On entendait hennir et souffler les chevaux. Le sol tremblait dans le silence de la nuit, sous le poids cadencé des escadrons en course. Les grilles s'ouvrirent. Les postes se précipitèrent au-devant du roi avec 1000 cris d'enthousiasme. Le carrosse retentit avec éclat sur le pavé de la grande cour. Éblouie, ravie, fascinée, ivre de tout ce qu'elle avait éprouvé, de tout ce qu'elle ressentait de nouveau, la reine se précipita par les degrés au-devant du roi. Louis XVI, descendu de voiture, montait l'escalier le plus rapidement possible au milieu de ses officiers, tout remué par les événements et leurs triomphes, tandis qu'en bas, les gardes, mêlés sans façon aux palefreniers et aux écuyers, arrachait des carrosses et des harnais toutes les cocardes que l'enthousiasme des Parisiens y avait plantées. Le roi et la reine se rencontrèrent sur un palier de marbre. La reine, avec un cri de joie et d'amour, étreignit son époux à plusieurs reprises. Elle sanglotait, comme si le retrouvant, elle avait cru ne jamais le revoir. Tout entière à ce mouvement d'un cœur trop plein, elle ne vit pas le serrement de main silencieux que Charny et André venaient d'échanger dans l'ombre. Ce n'était rien qu'un serment de main, mais André était la première au bas des marches. C'était elle que Charny avait vue et touchée la première. La reine, après avoir présenté ses enfants au roi, les fit embrasser à Louis XVI et alors le dauphin, voyant au chapeau de son père la nouvelle cocarde sur laquelle les flambeaux projetaient une sanglante lumière, s'écria dans son étonnement enfantin « Tiens, papa, qu'avez-vous donc à votre cocarde ? Du sang ?» C'était le rouge national. La reine, avec un cri, regarda à son tour. Le roi baissait la tête pour embrasser sa fille, en réalité pour cacher sa honte. Marie-Antoinette arracha cette cocarde avec un profond dégoût, sans voir la noble furieuse qu'elle blessait au cœur cette nation qui saurait se venger un jour. « Jetez cela, monsieur, jetez cela » dit-elle. Et elle lança par les degrés cette cocarde sur laquelle passèrent les pieds de toute l'escorte qui conduisait le roi dans ses appartements. Cette étrange transition avait éteint chez la reine tout l'enthousiasme conjugal. Elle cherchait des yeux, mais sans paraître le chercher, monsieur de Charny, qui se tenait à son rang comme un soldat. « Je vous remercie, monsieur, » lui dit-elle, lorsque leurs regards se furent rencontrés, après plusieurs secondes d'hésitation de la part du comte. « Je vous remercie, vous avez bien tenu votre promesse. »« À qui parlez-vous ? » demanda le roi. « À monsieur de Charny, » dit-elle bravement. « Oui, pauvre Charny, il a eu bien du mal à venir jusqu'à moi. Et Gilbert, je ne le vois pas, » ajouta-t-il, la reine attentive depuis la leçon du soir. « Venez souper, sire, » dit-elle en changeant de conversation. « Monsieur de Charny, » poursuivit-elle, « cherchez madame la comtesse de Charny, qu'elle vienne avec nous, nous souperons en famille. » Là, elle fut reine, mais elle soupira, en songeant que Charny, le triste qu'il était, redevint joyeux.